guitare pour qu'elle chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, douce compagne de mes joies. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra. La guitare et moi, ensemble pour la vie, c'est un amour qui jamais ne finit. Dans mes moments tristes, elle est toujours là, docile, fidèle et sans falbala. Donnez-moi une guitare pour qu'elle chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, que se compagne de mes joies. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra. Je te fais chanter, je te fais pleurer. Tu as mis le son bien particulier, graveux et profond pour chanter les chagrins, clairs et légers pour chanter les béguins. Donnez-moi une guitare pour que chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, douce compagne de mes joies. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra. Ma guitare et moi, on est sans chichi, comme un vieux copain, partout elle me suit. Elle ne se plaint jamais quand je la martyrise, mais elle aime bien quand je l'électrise. Donnez-moi une guitare pour qu'elle chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, douce compagne de mes joies. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra. Casse, vite je la remplace. Patient médecin, rapide, efficace. Petit accordage, elle chante un nouveau, même mieux qu'avant, attire l'arigot. Donnez-moi une guitare pour qu'elle chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, douce compagne de mes joies. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra. Donnez-moi une guitare, qu'elle chante entre mes bras. Donnez-moi une guitare, que les cordes vibrent sous mes doigts. Donnez-moi une guitare, douce compagne de. Donnez-moi une guitare, et ma chanson enfin vivra.